Radiomatic. Pour amorcer cette transmission 3-3-2 d'Audiomatic, vous avez entendu la musique du projet britannique Silver Stairs of Ketchikan, mené par Charlie Romaine, qui est également chanteuse et guitariste au sein de la formation Thought Forms. Les sonoristes vous ont présenté la pièce Old God's Tongue, extraite de l'album Ideda, qui est à paraître sous peu. Audiomatic se poursuit sur la musique de Mogwai. Yeah. audiomatique, cette séquence musicale se terminait sur la musique de la clarinettiste Angel Elmore, qui compose sous le pseudonyme Angel Bat David, de son album The Oracle, paru en 2019. Nous écoutions la pièce Black Family. Avant Angel Bat David, nous entendions la pièce de Chase de la formation The Amorphous Androgynous, qui est en fait un projet parallèle des membres de Future Sound of London. La pièce apparaît sur l'album intitulé The Cartel Volume 1, paru en 2013. Et pour débuter la séquence, c'était le groupe Mogwai et la composition Fuck Off Money, tiré du tout nouvel album As the Love Continues, sorti il y a à peine quelques semaines. Pour la suite d'Audiomatique, nous vous offrons à entendre le compositeur argentin Gustavo Santaolalla. Thank you.

in the beginning. We'll be right back. Pour conclure cette séquence musicale à Audiomatique, nous avions droit à DJ Crush, le pseudonyme du japonais Hideaki Ishii. De son album Meiso, paru en 1995, nous entendions sa collaboration avec DJ Shadow sur la pièce Duality. Précédemment à DJ Crush, il s'agissait du groupe londonien Medicine Drum et sa composition Skeleton Crew, tirée de son deuxième album Talking Stick, paru en 1999. Et en début de segment, le compositeur argentin Gustavo Santaolalla nous présentait la pièce-titre composée pour le jeu vidéo The Last of Us, paru en 2013. La prochaine pièce à Audiomatique est le résultat d'une collaboration entre les artistes Keiji Eno et Masami Akita. Thank you. l'unique pièce de cette séquence musicale, ou plutôt bruitiste, à Audiomatique, est l'œuvre du projet Kikuri, regroupant les artistes Keiji Eno et Masami Akita, ce dernier mieux connu pour son projet Merzbow. Le projet a pris naissance l'instant d'une soirée pour une performance lors du 24e Festival international de musique actuelle de Victoriaville en 2007 et a ensuite été endisqué avec comme titre d'album Pulverized Purple, duquel est tirée la composition que nous avons entendue, intitulée That Witch Will Rise From Death Here Tonight Will Go Hand in Hand With a Glittering Echo Burdened With the Sin of Joy. En conclusion de cette transmission 3-3-2 d'Audiomatique, nous vous laisserons aux bons soins de PJ Harvey et son interprétation de la chanson The Wicked Tongue qu'elle a enregistrée le 10 novembre 2000 lors d'une session d'enregistrement pour l'émission de radio de John Peel sur BBC Radio 1 en Angleterre. Rappelons que John Peel a animé une émission de radio de 1967 jusqu'à sa mort en 2004. Dans le cadre de son émission de radio, il invitait régulièrement des artistes et des groupes à venir jouer en direct. C'est ce qu'on appelait les Peel Sessions. Environ 4000 Peel Sessions ont été enregistrées en 37 ans par plus de 2000 artistes ou groupes. La version originale de la chanson The Wicked Tongue de PJ Harvey se retrouve sur les éditions anglaises et japonaises de l'album Stories from the City, Stories from the Sea. La transmission 333 d'Audiomatique sera présentée en direct sur les ondes de CIFU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h avant de se retrouver dans les environnements numériques pour une écoute en différé accessible sur nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici PJ Harvey et la pièce de Wicked Tongue enregistrée lors de sa Peel Session du 10 novembre 2000. C'était Audiomatique avec les sonoristes.